Vous êtes coquette. Il nous a dit des duretés. Il parle admirablement. Admirablement. Il est divin. Fin de la section 58, lue par Margot.